L'épître de Paul aux Colossiens. Aux temps apostoliques, la voie commerciale reliant la mer Égée au bassin de l'Euphrate partait d'Éphèse et s'avançait vers l'est en suivant le Méandre, ce fleuve d'Asie mineure appelé aujourd'hui Mandarès. À environ 150 km d'Éphèse, à proximité de la route des caravanes, trois cités importantes très proches l'une de l'autre. Hiérapolis, aux sources thermales réputées, Laodicée, célèbre par ses industries, son université médicale et ses banques, et Colosse, centre commercial commandant l'accès vers l'Orient. Des églises furent fondées dans ces trois villes. Il n'est pas prouvé que l'apôtre Paul y séjourna, mais sa prédication à Éphèse pendant 3 ans avait produit un tel impact sur la population que l'Évangile atteignit toute cette province de l'Asie. Des croyants instruits par l'apôtre à Éphèse vinrent sans doute s'établir à Hiérapolis, à Laodicée et à Colosse, où ils ouvrirent leur demeure à la prédication de l'Évangile. L'épître de Paul à Philémon jette un peu de lumière sur les conditions dans lesquelles vivaient les chrétiens de Colosse en cette époque. Car c'était précisément dans la maison de Philémon et de sa femme Appia qu'ils se réunissaient. Nous lisons, Philémon, versets 1 et 2. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Appia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. L'église primitive n'avait ni bâtiment ecclésiastique ni cathédrale. C'était l'époque glorieuse de l'église dans la maison. Comment en aurait-il été autrement sous un régime où ceux qui refusaient d'adorer César étaient systématiquement dénoncés? L'assemblée locale de Colosse se réunissait donc, sans doute de façon clandestine, chez Philémon, un homme qui vivait dans une certaine aisance et pouvait accueillir chez lui les chrétiens pour la célébration de leur culte. Ainsi faisant, Philémon courait des risques, et il le savait, mais il donna cette preuve de son engagement total pour la cause de Jésus-Christ. Épaphras, l'un des compagnons d'œuvre de Paul, Colossiens 1, 7, paraît avoir joué un rôle de premier plan dans la fondation de l'église de Colosse. Il exerça son ministère dans cette ville pendant quelque temps, puis il se rendit à Rome, où l'apôtre était devenu prisonnier de César. Il est très probable qu'Épaphras fut alors emprisonné à son tour, puisque, dans l'épître à Philémon, l'apôtre parle de lui comme de son compagnon de captivité. L'apôtre avait supporté toutes ses épreuves avec vaillance. Maladie, arrestation, emprisonnement, naufrage, interrogatoire à la cour de Néron. En plus de tout cela, son esprit était rongé par les soucis que lui donnaient les églises, de Corinthiens 11, 28. Aussi, lorsqu'Épaphras le rejoignit, porteur d'alarmantes nouvelles des Colossiens, l'apôtre s'empressa-t-il d'écrire à ses jeunes convertis pour les exhorter et les rendre attentifs à leurs dangers. Paul écrivit depuis la prison et remit son épître à Tychique en même temps que l'épître adressée à l'église d'Éphèse. Tychique, l'envoyé spécial de Paul aux églises d'Asie, était peut-être porteur d'un autre message encore destiné à l'église de Laodicée, puisque nous lisons en Colossiens 4, 16 « Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. » J'ai dit tout à l'heure que l'apôtre voulait rendre les Colossiens attentifs à leur danger. Je vais demander à M. Philippe Favre, professeur à l'école biblique de Genève et auteur d'une excellente étude de l'épître aux Colossiens, de nous décrire en quelques mots la nature de ces dangers. Les Colossiens subissaient l'influence des idées gnostiques, cette hérésie qui était plutôt une attitude philosophique ou religieuse qu'un système de pensée rigide. Les gnostiques prétendaient que toutes les religions étaient les manifestations d'une vérité cachée. Certains d'entre eux niaient la véritable humanité de Christ ou refusaient de voir l'être suprême en l'Éternel, le Dieu des Juifs. Ils croyaient en un être suprême, incommunicable, habitant dans la lumière inaccessible de la plénitude. Et, toujours selon les gnostiques, il y avait entre le Dieu suprême et l'homme pécheur une série d'êtres intermédiaires, sortes d'émanations successives de la divinité. L'intrusion de ces erreurs dans le christianisme avait abouti à trois attitudes que Paul combattit vigoureusement, en particulier dans le deuxième chapitre de l'Épître aux Colossiens. Le légalisme avec ses emprunts au judaïsme, l'illuminisme avec ses emprunts aux religions orientales, l'ascétisme avec ses emprunts à l'hellénisme. Les Colossiens avaient certes besoin d'une ferme mise en garde, mais au-delà des avertissements, l'épître qui leur était destinée leur apportait infiniment plus. D'une richesse et d'une profondeur exceptionnelles, l'épître aux Colossiens gravite autour de la personne de Christ. En moins de 100 versets, son nom y apparaît 56 fois. Pourquoi ? Parce qu'en Christ se trouvait le contrepoison aux idées gnostiques qui s'infiltraient chez les Colossiens. Face à Christ, les nombreux intermédiaires entre Dieu et les hommes n'avaient plus leur raison d'être. Le christianisme se distance résolument des différents systèmes religieux qui mettent en avant la personne humaine. Il est christocentrique, c'est-à-dire que Jésus-Christ en est le foyer de rayonnement. Christ doit être le premier en toutes choses, Colossiens 1:18. Pour les Colossiens, il devait devenir ou redevenir le centre de leur vie. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Christ doit être notre raison d'être et de vivre, notre seule source d'inspiration. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2:9. Tout l'exposé de Paul gravite donc sur la personne et l'œuvre de Christ. Au chapitre 1er, versets 1 à 11, il rappelle les effets de la prédication de l'Évangile chez les Colossiens. Puis, il affirme la divinité de Christ, le Créateur de toutes choses, le chef de l'Église. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui. Et pour lui, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Colossiens 1, 15 à 19. Ensuite, Paul attire l'attention de ses lecteurs sur l'œuvre de réconciliation accomplie par Christ. Chapitre 1er, versets 20 à 23. Sur les souffrances de Christ et leurs effets dans sa propre expérience. Chapitre 1, 24 à 2, 3. Ainsi, les croyants sont appelés à s'identifier avec Christ dans sa mort. Chapitre 2, versets 4 à 23. Pour ressusciter avec lui. Chapitre 3, versets 1 à 11. Autrement dit, ils doivent accepter de renoncer à eux-mêmes pour que l'Esprit de Christ les vivifie et les rende capables de marcher en nouveauté de vie. Là est le secret de toute vie chrétienne véritable. Ainsi seulement, les croyants peuvent pardonner, comme Christ a pardonné, Colossiens 3:13, vivre journellement dans la paix de Christ, Colossiens 3:15, et s'édifier dans la parole de Christ, Colossiens 3:16. Ainsi, ils deviennent de véritables serviteurs de Christ, comme la fin de l'Épître le démontre, chapitre 3, verset 18, à chapitre 4, verset 18. Leurs relations familiales sont subordonnées à Christ, leurs paroles sont sanctionnées par Christ, les disciples eux-mêmes sont consacrés à Christ et au témoignage pour lui. Si dans l'Épître aux Colossiens, tout l'exposé apostolique rayonne de la lumière de Christ, une phrase apparaît comme un feu ardent illuminant l'ensemble. Vous avez tout pleinement en lui. Colossiens 2, 10. Alors que la philosophie gnostique prétendait qu'un être suprême se retranchait dans une plénitude inaccessible. L'Évangile révèle la personne de Jésus-Christ en qui habite toute la plénitude de la divinité, venu sur terre pour apporter son parfait salut aux hommes. Les Colossiens avaient donc infiniment plus et infiniment mieux en Christ qu'en tous les systèmes mystiques ou philosophiques qui leur étaient proposés. Chers amis, vous avez infiniment plus, vous avez infiniment mieux en Christ qu'en tout ce que les philosophies contemporaines vous proposent. Pourquoi vous laisser éblouir par les idéologies du XXe siècle, par le mysticisme des religions hindoues et de la méditation transcendantale? Pourquoi les arguments de l'intellectualisme religieux remplissent-ils votre cerveau au point que la révélation divine n'y pénètre plus? En Christ, vous avez tout. Il veut être votre sauveur personnel, votre Seigneur de tous les jours et votre espérance pour l'éternité. Il est le premier en toutes choses. Vous avez tout pleinement en lui. Abandonnez les traditions religieuses sans vie, les formes liturgiques froides qui laissent votre cœur vide et vous empêchent de connaître Christ dans sa plénitude. Des millions de personnes ont fait cette expérience avant vous. Je ne vous en parlerai pas si je n'avais pas vérifié en de nombreuses occasions dans ma vie cette affirmation. Vous avez tout pleinement en lui. Peut-être qu'en demeurant en dehors de Christ, vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes malheureux, orphelin, abandonné, perdu. Effectivement, tout vrai bonheur ne se trouve qu'en Christ. En lui, vous avez tout. Pardon pour le passé, sécurité pour le présent, espoir pour l'avenir, certitude pour l'éternité. Chers amis, ne voulez-vous pas goûter combien Christ est bon? Pendant une heure, un conférencier athée avait nié l'existence de Dieu. Persuadé d'avoir convaincu ses auditeurs, il leur donna l'occasion de s'exprimer. Un vieillard demanda la parole. Tous le connaissaient, car il avait été un ivrogne notoire avant d'être transformé par l'Évangile, ce qui avait frappé chacun. Parvenu sur l'estrade, le vieillard sortit une orange de sa poche et prit tout son temps pour l'éplucher et la manger. Intrigué, le conférencier le laissa faire. Puis le vieillard se tourna vers lui. « Dites-moi, monsieur, l'orange que je viens de manger, était-elle douce ou amère? Comment le saurais-je? Vous ne me l'avez pas donné à goûter. » Eh bien, comment pouvez-vous prétendre parler de Jésus-Christ mon Sauveur, alors que vous n'avez jamais goûté à la vie qu'il apporte? L'auditoire applaudit avec frénésie. L'expérience probante du vieillard parlait infiniment mieux que toute l'éloquence du conférencier. Ce vieillard avait tout pleinement en Christ. Et vous, avez-vous tout pleinement en Christ ?